shoot you down. Minoche quitte ta mixtape, peut-être que ça servira pas. J'écris et je raconte mes déceptions, cette vie de rapace. Man, c'est maintenant qu'il faut péter du cuivre. Et c'est aussi maintenant qu'il faut péra utile. Les petits sont tous perchés, ils n'ont rien dans la caboche. Ils vont tirer des sacoches, les dents longues du castor. Les mecs te sortent des flûtes, la taille d'un saxophone. Serais prêt à se planter pour une sale gastropode. Tu me fais une crasse abusée sur ma vie, j'aime pas perdre. Je donne 5000 au gitan qui me mettent une balle dans la tête. D'un côté un cratère, de l'autre un trou de l'impact. Quand tu cherches la merde, tu la trouves dans l'impasse. Un pays de rat, tu peux crever si tu dois appeler de l'aide. Hey man, crois pas qu'on vit avec des APL. Tu veux me braquer, j'ai rien. Trou du cul, dirige ton gun ailleurs. C'est le chômage ou l'usine, du taf de merde, monteur ou preneur.